Les Belges, quelques renseignements pratiques. À quoi reconnaît-on, par exemple, une voiture belge? Eh bien, vous pouvez reconnaître une voiture belge à ce que les essuie-glaces sont à l'intérieur de la voiture. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que les Belges, en conduisant leur voiture, ont l'habitude de faire... Ah oui, voilà. Alors, il n'y a pas qu'une voiture. Une échelle de pompier belge, par exemple, vous direz, elle ressemble à n'importe quelle échelle de pompier. Eh bien, pas du tout. Une échelle de pompier belge se reconnaît à cette chose très particulière, c'est que sur le dernier barreau de l'échelle de pompier belge, il y a un panneau où il est écrit « Stop ». Voilà. Alors, vous, par exemple, vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en Belgique, il y a de la très bonne bière, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de bière et beaucoup de bouteilles de bière. Alors, quand on vous sert une bouteille de bière, à quoi est-ce que vous pouvez reconnaître que la bouteille de bière est belge, que c'est une bouteille de bière belge? Eh bien, c'est tout simple. Vous retournez la bouteille de bière et à l'envers de la bouteille, sur le cul de la bouteille de bière, il est écrit... Pour ouvrir, prière de la retourner. Vous voyez, un chien belge, par exemple. Alors ça, je suis sûr que vous ignoriez qu'on pouvait reconnaître un chien belge comme ça en le voyant passer dans la rue. Eh bien, un chien belge se reconnaît parce qu'il a le museau tout aplati. Ah, et vous allez me dire pourquoi le museau aplati? Eh bien, il paraîtrait que les chiens belges courent après les voitures arrêtées. Un cimetière belge, par exemple. Un cimetière belge pourrait ressembler à n'importe quel autre cimetière. Eh bien, pas du tout. Un cimetière belge se reconnaît au fait que toutes les personnes qui sont enterrées dans un cimetière belge sont enterrées le derrière à l'air. Vous comprenez? C'est-à-dire que le derrière sort de la terre. Alors, je me suis inquiété moi-même. Je me suis demandé pourquoi. J'ai été trouver le fossoyeur et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous enterrez les personnes avec le derrière à l'air? Et il m'a dit, ça, mais c'est une fois pour garer les vélos, vous comprenez? Et une maison belge. Alors une maison belge, à quoi reconnaît-on une maison belge? En passant la frontière, vous allez me dire. Mais il n'y a pas que ça. Une maison belge se reconnaît d'abord parce que les Belges lèchent le mur de leur maison. Et pourquoi? Eh bien parce que les murs s'effritent. Les murs s'effritent. Ça, vous comprenez, hein, il fallait la trouver aussi. Bon, les murs s'effritent. Tant que nous sommes dans les frites, restons-y. C'était, je vous raconte une toute petite histoire à propos de frites comme ça qui me revient en mémoire. C'est un petit avion, vous savez, un biplace à deux personnes qui survole la Belgique. Il survole une route comme ça, mais sur la route, il y a une baraque à frites, comme on dit chez nous. Vous comprenez? Il y a une petite baraque à frites. Et l'avion a des ratés, le moteur s'arrête, l'avion pique, l'avion tombe, il écrase la baraque de frites. 2000 morts. Est-ce que vous savez pourquoi les nourrices belges, et pourquoi les femmes belges en général d'ailleurs, ont le bout des seins carrés? Alors là, c'est tout simple. C'est pour habituer les enfants à manger des frites. Et je vous raconte une aventure qui m'est arrivée. Vous savez que... En Belgique, les taxis belges sont très chers. Hein. Ce sont les taxis les plus chers du monde, je crois. Hein. Ça, c'est bien connu. Alors, j'étais entré dans un taxi et il y a le monsieur qui était dans son taxi qui me dit « Ça est quand même une course qui ne va pas me rapporter grand-chose. Hein. » Je lui dis « Mais pourquoi ça ?» Il me dit « Mais un seul client. » Je lui dis « Mais un seul client, écoutez, combien en mettez-vous d'ordinaire hein ?» Il me dit « Ben, d'ordinaire, j'en mets 15. » Je lui dis « Vous mettez 15 personnes dans votre taxi, mais comment faites-vous » Il fait « C'est tout simple, je mets une frite sur le siège arrière. » C'est fou ces histoires de frites, c'est fou ces histoires de Belges. Et à propos de fous, comment croyez-vous qu'on peut faire devenir fou un Belge? Eh bien c'est tout simple, vous l'emmenez au cirque. Vous emmenez un Belge au cirque et vous lui dites que sur la piste ronde du cirque, il y a une frite dans un coin. Il paraît qu'il devient fou. Et si un Belge est fou, vous savez, c'est qu'il a le cerveau dérangé. Et croyez-moi, un cerveau belge, ça vaut très cher. Ah, ça vaut très cher, un cerveau belge. Pour les greffes, par exemple. Eh bien, le cerveau belge est le plus cher qui existe au monde. Et comme j'en demandais la raison à un chirurgien, il m'a répondu, « Mais ça, c'est normal, n'est-ce pas, monsieur? C'est parce que le cerveau belge est un cerveau qui n'a jamais servi. » À propos de cerveau et de cervelle, Je voulais l'autre jour, j'étais à Paris et je voulais acheter de la cervelle. Alors je m'arrête dans un magasin et je dis bon alors combien coûte cette cervelle? Alors on me dit ça c'est de la cervelle de veau monsieur, ça fait c'est 8,50 francs le kilo. Je dis bon alors ça c'est quoi? Alors on me dit ça c'est de la cervelle de français. Alors attention, la cervelle de français ça vous fait tout de suite 500 francs le kilo. Je fais 500 francs le kilo, dis donc, c'est pas pour rien hein. Et celle-là alors? Ah ben celle-là on me dit vous savez c'est 14 000 nouveaux francs le kilo, c'est de la cervelle de belge. Ah, là, j'étais quand même épaté. Je dis, 14 000 nouveaux francs de la cervelle de Belge? Ah ben, dites donc, ça coûte cher, hein? Mais comment ça se fait, ça? On me dit, si vous saviez le nombre de Belges qu'il faut pour faire un kilo... Vous comprenez, après des histoires pareilles, un Belge, quand il entend ça, il ne peut plus penser qu'au suicide. Et c'est ce qui est arrivé. Un Belge s'est suicidé. J'ai appris ça, un Belge s'est suicidé par pendaison. Il a eu 17 fractures du crâne. Je dis, mais comment ça se fait? On m'a dit, il s'est pendu avec un élastique. Alors, vous comprenez? Pourquoi les Belges ont-ils le front plat? Ça, vous vous êtes posé cette question-là. Vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que tous les Belges, en général, ont le front plat? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que tous les Belges se frappent le front sans arrêt en disant, mais que je suis Belge! Mais que je suis Belge! Pourquoi, autre question, pourquoi... Les Belges ont-ils des trous autour de la bouche, surtout le lundi? Eh bien ça, c'est parce que le dimanche, les Belges mangent leurs frites avec des fourchettes. Et vous avez dû remarquer une chose qui a dû vous sembler très bizarre quand même. Pourquoi par tant d'orage voyez-vous tous les Belges à leurs fenêtres? Hein? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent être sur la photo. Pourquoi les Belges ont-ils... les deux oreilles brûlées? Ça, c'est inquiétant, hein? Alors, si on m'a dit, moi, je me suis renseigné quand même, et on m'a dit, c'est parce que on leur téléphone pendant qu'ils sont en train de repasser. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, quand même, si c'était comme ça, hein, ils auraient qu'une oreille brûlée. Et je dis, mais pas du tout, parce que tout de suite après, ils téléphonent à l'ambulance. À quoi reconnaît-on un Belge? Hein, quand même, il faudrait que vous le sachiez. Sur un aéroport, le Belge se reconnaît très facilement. C'est le seul qui donne des graines aux avions. Je vous parlais d'aéroport. Eh bien, sur un aéroport, j'ai entendu, vous savez, les hôtesses de l'air avec leur voix très bizarre, qui parlent dans les micros et on entend « L'avion pour Londres à 11h45. »« Ding dong. L'avion pour Madrid à midi. » Ding dong. L'avion pour Paris, départ à 12h15. Ding dong. L'avion pour Bruxelles partira quand la petite aiguille sera en haut sur le chiffre 12 et la grande aiguille en bas sur le chiffre 6. Écoutez, je vous parlais d'avion, je vais carrément passer à une autre dimension, n'est-ce pas? Je vais vous parler de sous-marin. À quoi reconnaît-on un Belge dans un sous-marin? Eh bien là, vous avez un sous-marin belge, ça n'est pas très difficile. Vous envoyez un plongeur, n'est-ce pas, et vous lui demandez de frapper à la porte. Voilà. Vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi les sous-marins belges remontent-ils toutes les 3 minutes? Moi aussi, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Chaque fois que je vois un sous-marin belge, il remonte à la surface toutes les 3 minutes. Alors j'ai été trouver le commandant d'un sous-marin belge et je lui ai dit, mais pourquoi remontez-vous à la surface toutes les 3 minutes? Il m'a dit, mais écoutez, il faut quand même bien faire respirer les rameurs, hein? Et maintenant, une nouvelle très triste. Vous savez que tous les sous-marins belges sont perdus. Ils ont couvre pas, on s'affole, et blam, finalement, il tombe dans une meule de foin. Une chance extraordinaire quand même, il est sauvé, on se précipite pour savoir ce qui s'est passé. Et le Belge se relève et dit « Trois !» et tire à poignée. Mais en Belgique, on n'a pas que des parachutistes, hein, on a aussi des pilotes d'hélicoptères, parce que en Belgique, on a des hélicoptères. C'est-à-dire, on en a un. Enfin, on en avait un. Non, enfin, bon. Alors, cet hélicoptère a participé au grand concours international qui avait été organisé par les armées de l'air, n'est-ce pas? Les concours d'hélicoptères. Et là, il y avait l'armée de l'air anglaise, l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air belge. Alors, on donne le départ, les trois hélicoptères décollent, et l'Anglais monte, monte, monte, l'Américain le rattrape tout de suite, il monte, et le Belge, lentement, mais sûrement, monte, il rattrape l'Anglais, tout de suite, ouah, hurlement de joie, il rattrape l'hélicoptère américain, et puis il dépasse, il monte, 3000, 5000, 7000, 8000 mètres, et tout à coup, plaf, il s'arrête, il tombe, il s'écrase, heureusement, l'équipage est sauvé, et on demande au pilote, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, mais vous vous rendez pas compte, vous? À 8000 mètres, il fait froid, alors moi j'ai arrêté le ventilateur. Et maintenant, quel exutoire pour moi de vous raconter quelques histoires qui sont vraiment, mais alors là, vraiment belges et méchantes. Vous savez ce qu'on dit? Vous savez qu'on dit que si un Belge épouse une Hindoue, que sera l'enfant? J'ai honte à vous le dire. Un cochon d'Inde. Oh là, je ne comprends pas comment on ose raconter des histoires pareilles. Est-ce que vous savez ce qu'est un primitif flamand? C'est un pléonasme. Hein? Alors, les femmes belges. Je m'étonnais que les femmes belges, on les compare toujours à des paires de pantoufles. Et ce sont les Belges qui disent toujours ma paire de pantoufles, en parlant de leurs femmes. Alors j'ai demandé à des Belges, je leur ai dit, mais pourquoi? Ils me disent, eh bien parce que les femmes belges, hein, c'est comme les paires de pantoufles, on est bien dedans, mais on n'ose pas sortir avec. Une autre histoire, très méchante aussi, mais qui me fait rire. Il y a un banc, n'est-ce pas, où il y a assis sur ce banc un Père Noël, un curé et un Belge intelligent. Il passe une fille somptueuse, mais alors là, vous savez, une fille ravissante. Qui croyez-vous qui va se retourner à la fin du monde? On était entre amis comme ça, on parlait de la fin du monde. Et tout à coup, dans ce groupe d'amis, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, dès qu'on me dira c'est la fin du monde, je vais habiter en Belgique. Et là, vraiment, j'étais ému. Et j'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit, eh bien, parce qu'ils ont 50 ans de retard. Ceci dit, ne racontez jamais les histoires que je vous raconte à un Belge, vous savez. Il ne faut jamais raconter une histoire drôle à un Belge, et surtout le samedi, parce qu'il rit pendant la messe le dimanche. C'est un Suisse qui avait donné rendez-vous à un Belge au bar de la marine. Alors, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Le Belge arrive et il ne trouve pas le bar de la marine. Alors, il est très fâché. Enfin, il perd 48 heures. Finalement, il retrouve son ami. Elle lui dit, mais c'est quand même terrible, ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me donnes rendez-vous au bar de la marine? Mais il n'y a pas de marine en Suisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le Suisse lui répond, c'est parce que toi, un jour, tu m'as donné rendez-vous dans une maison de la culture en Belgique. Et vraiment, l'histoire la plus atroce. On m'a dit un jour, savez-vous comment on sauve un Belge? Je dis non. On me dit tant mieux. Oh. Atroce, je vous dis, c'est atroce. Est-ce que vous savez, tant qu'on est dans les histoires atroces, allons-y alors, hein, allons-y. Quelle différence y a-t-il entre un Belge et du sucre? C'est que le sucre, lui, il est raffiné. Oh. Quelle différence y a-t-il entre un Belge et une pomme de terre? C'est que la pomme de terre, elle est cultivée. Et enfin, pour terminer en beauté, quelle différence y a-t-il entre un Belge et un cancer? C'est que le cancer, lui, il évolue. Et savez-vous pourquoi un Belge à cheval est plus intelligent? C'est parce qu'il y a plus de choses dans deux têtes que dans une. Non, ça, c'est un Français, évidemment, qui m'avait raconté ça. Et j'étais vexé quand même. Je lui dis, mais va te rendre compte, va en Belgique, va te rendre compte. Et il y est allé. Mais il y est allé comme ça, sans prendre ses précautions. Alors il s'est perdu, vous comprenez? Il s'est perdu. Et pour essayer de voir où il était, il a grimpé à un arbre. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été arrêté pour violation de domicile. Maintenant, je vous raconte une histoire qui est arrivée, une histoire vraie, vous savez, les histoires vraies, c'est toujours celles qui sont les meilleures, qui est arrivée dans un tramway belge. Et alors, il y a un monsieur qui monte dans son tramway avec un crocodile. Et il y a le contrôleur qui lui dit, mais enfin, monsieur, qu'est-ce que c'est ça, une fois ici, maintenant, vous devez pas monter avec un crocodile, hein? ici dans ce train, mais que je comprends pas que vous faites ça, hein. Un crocodile, vous devez l'emmener au zoo. Et le monsieur lui dit, oui, mais écoutez, hier, déjà, je l'ai emmené au zoo, hein. Aujourd'hui, on va au théâtre. C'est un Français qui se trouve à Waterloo. Et il arrête un passant comme ça à Waterloo. Il lui dit, excusez-moi, monsieur, mais je voudrais vous poser une question qui me turlupine depuis longtemps. Est-ce qu'on doit dire Waterloo ou Waterloo? Et le monsieur lui dit, ah, ben, il faut dire Waterloo, hein. Ah, ben, écoutez, monsieur, merci. Alors on dit Waterloo. Ah oui, ça je puis vous assurer, on dit Waterloo. Ah ben écoutez, merci, merci, parce que je me posais la question depuis longtemps, maintenant je suis heureux de savoir, on dit Waterloo. Très bien. Vous êtes du pays, vous, ici. Et dis pas du tout, moi je suis ici en vacances. Hein. Trois hommes de nationalités différentes, un Américain, un Anglais et un Belge, ont été condamnés à mort. Ils sont tous les trois présents devant la guillotine, devant la veuve, comme on dit, n'est-ce pas? Et c'est l'Anglais qui doit passer le premier. On lui demande ses dernières volontés. Forcément, il demande une goutte de whisky, une tasse de thé, et il passe sa tête. Le couperet tombe, et une chance extraordinaire, à quelques millimètres du cou, le couperet se bloque. Dans ces cas-là, vous savez, le condamné est gracié. Et l'Anglais est gracié. Il dit « Oh, merci beaucoup ». L'Américain se présente. Il passe sa tête dans le trou, on lui demande ses dernières volontés. Alors il demande un chewing-gum, vous comprenez? Il leur faut pas grand-chose. Un verre de Coca-Cola, et hop, le couperet tombe, plat, la même chose, dites donc. Ça c'est quand même étonnant, la même chose. À quelques millimètres, le couperet se coince et ne coupe pas le cou de l'Américain qui est gracié. Il fait marvelous, marvelous, il s'en va, il est heureux comme tout. Et puis alors, il y a le Belge, on lui demande ses dernières volontés, il dit, moi, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Donnez-moi un paquet de frites et un verre de bière. On lui amène et on lui dit, bon, ben maintenant vous avez passé votre tête dans le trou, et il va passer sa tête, et au moment où il va passer sa tête dans le trou, il dit tout à coup, j'ai remarqué que la machine ne marchait pas bien là tout à l'heure. Ce n'est pas ce petit écrou qui gêne. Je vous raconte une histoire qui va un peu nous venger, nous les Belges, quand même. Un Français, un autre Français, avait voulu se rendre compte si c'était vraiment vrai ce qu'on racontait sur les Belges. Et il décide d'aller en Belgique. Il passe la frontière avec son vélo. Oui, parce qu'il était à vélo. Et il s'arrête à la première station d'essence qu'il trouve après la frontière. Il dit bonjour, monsieur. Le pompiste lui dit bonjour, monsieur. Il dit... Est-ce que vous pouvez me faire le plein? Et il soulève la selle de son vélo. Et le pompiste belge lui dit, mais bien sûr, monsieur. Et il fait le plein, il remplit le cadre d'essence. Et le Français pense, vraiment, c'est bien ce qu'on a dit, ils sont belges, il n'y a pas de problème. Il soulève le guidon du vélo en lui disant, vous vérifiez l'huile, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur, je vérifie l'huile, hop. Et lui met 1 demi-litre d'huile dans le cadre, en dessous du guidon. Après ça, il se dit, je me demande vraiment jusqu'où ça peut aller. Il lui dit, est-ce que vous pourrez me nettoyer le pare-brise? Mais bien sûr, monsieur, hop. Il prend une petite éponge et il lui nettoie les lunettes. Et le Français, il dit plus rien. Alors là, il est estomaqué, il est stupéfait. Il lui dit, bon, ben, qu'est-ce que je vous dois? Alors, il paye le monsieur. Et au moment de partir, le Belge lui flanque une baffe. Mais alors là, une baigne, plaf, en pleine figure. Oh, le Français dit, mais ça, je comprends pas, mais qu'est-ce qui vous prend? Il fait, eh ben, monsieur, je claque la portière. Un Français et un Belge visitent une réserve d'animaux sauvages en Afrique. Et ils sont là, tous les deux, ce sont deux amis. Ils attendent de voir le premier animal. Et tout à coup, ils voient un éléphant. Il y a un éléphant qui arrive. Et le Français dit, oh, regardez, regardez là, regardez ce qu'il est beau. Et le Belge dit, ouais, ouais. C'est un dingue russe. Et le Français dit, non, excusez-moi, j'ai pas compris là. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous m'avez dit exactement? Il dit, oui, ben, c'est un dingue russe. Ah, c'est un... Ah bon, c'est... Ah bon, très bien. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une girafe qui passe à ce moment-là. Et le Belge dit, ça, c'est un autre dingue russe. Hein. Ah, c'est un dingue russe aussi, alors. Dingue russe, c'est comme ça que vous dites? Oui, oui, c'est deux dingue russes. Hein. Ah, ah bon. Ah bon, très bien, dit le Français. Et alors, le troupeau de gazelles qui passe là-bas, pour vous, ça ne sont pas des gazelles. Il fait, mais non, ce n'est pas des gazelles, hein. Ça, c'est un troupeau de dingues rousses, hein. C'est quand même incroyable, ça, dit le Français. Alors, tous les animaux ici sont des dingues rousses? Et dit, oui, le Belge, mais bien sûr, hein, c'est écrit à l'entrée de la réserve. Il est écrit, All the animals are dingues rousses. J'étais en Belgique, il y a très peu de temps, Et j'ai beaucoup d'amis, forcément, dans le spectacle. Et il y en a un qui me dit, tu sais, moi, maintenant, je fais le cinéma. Hein. J'ai dit, ah, bon, ah, tu t'es lancé dans le cinéma, c'est formidable, ça. Il dit, oui, oui, alors je tourne un grand film, hein, un truc, ça va être formidable. Hein. Ah, bon, et un grand film, et ça va traiter de quoi, exactement? Eh bien, ça va être un film cow-boy, hein. Un film cow-boy? Ouais, ouais, ouais, ouais, un film cow-boy. Hein, il y a bien des westerns spaghetti, je sais pas. Pourquoi il y aurait pas des westerns belges, hein? Alors, mon film, ça va être un western avec des cow-boys et ça va se passer en Belgique. Ah, oh, j'ai dit, ça va être formidable, ça, alors, vraiment. Et le titre du film, ça va être comment? Il dit, je vais appeler ça « Il était dans l'Ouest une fois ». Un enterrement en Belgique. Le cercueil est là. La famille est là. Les amis... Les compagnons, enfin tout le monde, vous savez ce que c'est qu'un enterrement. Et les quatre porteurs. Les quatre porteurs s'approchent du cercueil, essayent de soulever le cercueil et n'y arrivent pas. Et vraiment, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Il y a le maître de cérémonie qui est là, il s'approche du cercueil, il sort de sa poche un petit sachet, il répand une poudre blanche sur le cercueil et il dit aux quatre porteurs, « Allez-y maintenant, ça va aller ». Et les quatre porteurs soulèvent le cercueil, mais alors comme une plume. Mais vraiment comme une plume, et hop, on met le cercueil dans la voiture et tout se passe bien. Et il y a quand même un personnage qui est là derrière. Ça l'a inquiété, vous comprenez? Il dit, c'est quand même bizarre ça. Il va trouver le maître de cérémonie, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait exactement là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, le maître de cérémonie lui dit, ben écoutez, c'est le cercueil était trop lourd, alors j'ai mis un... Non mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ben oui, mais justement, pour aider à soulever, j'ai mis un peu de levure de bière. Vous en Belgique, nous avons des savants. Nous avons énormément de savants. En tout cas, on a un savant. Et ce savant a décidé d'envoyer une fusée dans le soleil. Alors tout le monde s'étonne, parce qu'il y a une conférence internationale, tout le monde s'étonne. On dit, mais ça, on ne comprend pas, une fusée dans le soleil. Il dit, oui, oui, moi je vais envoyer une fusée dans le soleil, hein, c'est vrai. Écoutez, il y a des fusées dans la lune, tout le monde a déjà été dans la lune, dans Mars bientôt, il va arriver. Nous les Belges, on va envoyer une fusée dans le soleil. Tout le monde dit, mais ce n'est pas possible, écoutez, dans le soleil, vous savez qu'il y a une chaleur considérable. Il dit, oui, alors qu'est-ce que ça fait? Non, mais quand votre fusée va arriver sur le soleil, mais elle va fondre, vous savez qu'il y a des milliers de degrés, là. Et le savant belge lui répond, il dit, oui, mais écoutez, vous m'avez pas regardé une fois, hein. Dites donc, on n'est pas si bête, hein, on va l'envoyer pendant la nuit. Encore une histoire vraie. C'est une petite dame qui est au volant de sa petite voiture. Elle est arrêtée à Bruxelles, à un feu rouge, et tout à coup, le feu rouge passe au vert. Et la voiture de la dame ne démarre pas. Alors elle essaye, elle essaie, elle essaie, enfin ça démarre pas. Alors l'agent de police belge s'approche lentement, il se penche à la fenêtre, à la portière, et dit à la dame, « Plus vert, ça je peux pas faire. Hein. » Un couple de vieux belges qui sont installés devant leur télévision, et vous savez que les belges parlent peu, même entre eux, et ils regardent leur télévision, et puis tout à coup, la dame belge dit à son mari, « Jefke, est-ce que tu as vu comme l'appartement est sale ici, hein? Je crois qu'on devrait retapisser. » Et Jefke répond, « Oui, ça je sais, hein, mais je sais pas combien il faut de rouleaux pour retapisser. » Et Marieke répond, « Mais écoute, tu as qu'à aller demander en haut, hein? À Georges, hein, lui, s'il connaît, hein, dans la tapisserie, il a retapissé tout son appartement, hein, tu vas lui demander des renseignements. » Elle dit, oui, j'irai, bien sûr, alors j'irai lui demander des renseignements. Elle dit, mais va tout de suite. Bon, alors, d'accord, hein. Il monte à l'étage au-dessus, il frappe et dit, bonjour, monsieur Georges, je viens parce que Marie que m'ennuie, là, elle me dit qu'il faut retapisser l'appartement, elle sait que vous avez déjà retapissé le vôtre, hein. Mais moi, je sais pas combien de rouleaux je dois acheter pour ça, hein. Combien vous en avez acheté, vous? Et Georges lui répond, eh ben écoutez, moi, j'ai acheté 32 rouleaux, hein, mais attention, hein. J'ai tapissé tout l'appartement, hein, le hall de l'entrée, le petit coin, les étagères, comme ça. Et vous savez, j'ai fait ça impeccable, hein. Elle dit, ben merci, hein, je vais faire une fois la même chose. Hein. Et il repart, et il achète ses 32 rouleaux, il retapisse tout l'appartement, et il lui reste 2 rouleaux. Et là, vraiment, il ne comprend pas. Il dit à sa femme, mais je ne comprends pas, là, hein, c'est le même appartement qu'en haut, et puis il me reste 2 rouleaux. Comment ça se fait, ça? Et Marieke lui dit, eh ben, va une fois demander à Georges. Hein. Alors, il remonte à l'étage au-dessus, il dit, excusez-moi, voisin, hein, Excusez-moi, monsieur Georges, mais je comprends pas. J'ai acheté 32 rouleaux, la même chose que vous, hein. Et puis j'ai retapissé tout l'appartement, le hall de l'entrée, le petit coin, les étagères. Et je comprends vraiment pas, il me reste 2 rouleaux, hein. Et Georges lui dit, ah oui, à vous aussi. Un jour, le ministre de la guerre suisse téléphone au ministre de la guerre belge. Et ça donne à peu près ceci. Allô? Le ministre de la guerre belge. Oui, c'est le ministre de la guerre belge. Hein. Ici, c'est le ministre de la guerre suisse. Je vous téléphone parce que je voudrais vous emprunter des chars d'assaut. Vous voulez m'emprunter des chars d'assaut? Oui, parce qu'on a un défilé militaire. Mais avec nos chars, on a peur que ça fasse un peu trop pauvre. Alors, est-ce que vous pourriez pas nous en prêter? Ah, écoutez, ça, je veux bien vous prêter des chars. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un char d'assaut? Oh, j'ai peur que ça fasse quand même un peu, vous voyez. Bon, est-ce que vous en voulez deux, alors? Moi, je veux bien, vous voulez 2 chars d'assaut. Vous savez, excusez-moi d'insister, mais j'ai peur que ça fasse quand même un peu, même avec 2 chars. Ah, écoutez, si vous le prenez comme ça, hein, est-ce que vous voulez les 3? Et maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a tant de Belges qui font de la plongée sous-marine. C'est parce que dans le fond, ils ne sont pas si bêtes.